médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou de refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, J'entends Rien, le mag d'actu tout terrain que vous pouvez entendre le mercredi midi 19h et le jeudi à 8h du mat. Aujourd'hui au programme, on va parler de punk, on va parler de hardcore, on va parler de Saint-Étienne et on va parler de ça collectivement puisqu'il y a 4 personnes dans ce studio qui ont un sourire encore crispé mais qui, j'espère, vont se détendre un tout petit peu. Bonjour à vous, 10 minutes later. Bonjour. Salut Joe. Salut, salut, salut. Alors, je leur ai donné la parole pour faire un peu potiche, mais on va reprendre tout de suite par le début rituel, car il ne faut pas déroger à la norme, c'est bien connu. On va commencer donc par le coup de cœur de la semaine. Je l'ai déjà joué, mais puisque cette émission est dédiée un petit peu à la distorsion et au rock'n'roll au sens large, j'avais envie de représenter l'album nouveau du groupe Madame, un trio de musiciennes venues de Toulouse. Madame, ça s'écrit M-A-D-A-M et en même temps c'est rayé. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire politiquement, sans doute quelque chose, mais je ne vais pas surinterpréter l'intention des musiciennes. L'album s'intitule Thanks for the Noise. C'est un excellent album de Riot Girl. La preuve avec ce morceau numéro 3, Wanna Be You. Et d'ailleurs, si vous kiffez, n'hésitez pas à appeler au 04 77 25 05 94. J'ai un disque en rab à vous faire gagner. Ça s'appelle Madame, il n'y a pas de M, il n'y a pas de E, et c'est rayé. C'est sur le 895 de Dio. Avant de retrouver nos invités en présence, un petit coup de cœur de la Ferrarock, notre fédération des radios pas pareil et encore mieux que les autres, avec un des coups de cœur de cette semaine, ça s'appelle Wizard. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie bien entendu à l'émission de Dig Dig Diggers qui sera diffusée vendredi à midi à 19h et lundi à 8h du mat. Le titre que je vous propose pour ce groupe de post-punk, noise, rock, indie, truc, machin, avec un accent français qui peut être charmant pour des gens des États-Unis, peut-être. Et il s'appelle Jack is a Sociopath. Et je pense que le sociopathe, ça parle aux gens qui sont dans le studio, qui ne m'écoutent pas, car d'habitude, en fait, mais de toute façon, personne n'écoute. Enfin bref, je vais pas me poser des questions métaphysiques, mais voilà Wizard. Everything makes Jack so angry. His boring dog and his boring family. Waiting and watching the same TV show since 2003. Everyone makes Jack so angry. The stupid thing on the stupid screen. Scrolling, just scrolling. Expecting to be seen as a TikTok queen. Salut tout le monde et salut au 10 minutes later. Salut. Salut. Je vous laisse vous présenter comme des grands, comme des grandes. Je suis Marion, bassiste. Je suis JB, guitariste. Moi, c'est Paulin, à la batterie. Et moi, c'est Yannick, à la Auchan. À la Auchan ? À la Auchan. À la Auchan. Ouais, la place de Jean Montieu. Yannick, à la Auchan. Tout à fait, tout à fait. Et oui, le monde change et c'est important de le souligner régulièrement quand même. Un petit point de local et d'économie politique, finalement. Qui va être le cœur du sujet de cette émission. Ah, cool, on l'a bien préparé alors. Ouais, ouais, c'est super. Mais je vous ai bien briefé du coup. 10 Minutes Later, donc 3 disques au compteur, dont 2 EP, 2017-2020, le dernier en 2023, One Life. Two Chances. La première question qui m'arrive direct, c'est 10 Minutes, One Life, Two Chances. Qu'est-ce que vous avez avec les chiffres ? C'est pas des chiffres, c'est des nombres. C'est pas exactement la tu même chose. Tu serais pas un stit ? Et tiens ! Parce que bon, ta clé en direct, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez avec le système numérique ? Bah tiens, tu peux répondre du coup, Marion. Moi, j'ai fait 0 album, donc je peux pas répondre à cette question. Ah, tu viens de répondre déjà à 3 questions. C'est un chiffre ou un nombre ? Donc effectivement, déjà première info importante pour la biographie du groupe, qui se vante encore d'ailleurs sur son bandcamp de jouer sans basse. True. Il y a une petite mise à jour. Quand est-ce que toi tu as rejoint l'infernal trio qui est en face de toi ? C'était un jour de septembre 2022 peut-être, où ils sont descendus de scène à la Gueule Noire, après un concert de la Gueule Noire, et ils m'ont fait une demande solennelle de venir jouer de la basse dans le groupe, alors que je ne joue pas de basse vraiment. Demande qui a été assez émouvante pour que tu craques. Très, très émouvante. Mm-hmm. J'étais là, moi. Toi, t'étais pas là, pour le coup. Ah, ça me semble. Toi, t'as pas l'air solennelle. Oh. Ils ont parlé pour toi. Et après ça, j'ai pris quelques temps pour apprendre la basse, puisque du coup, c'est pas vraiment mon instrument. Et surtout donc, qu'on te connaît pas vraiment à celui-là, et c'est pas exactement le même ordre des cordes, c'est chiant. C'est pas du tout le même ordre de cordes, non, c'est pas de la percussion non plus. Enfin, si, c'est un peu de la percussion finalement. Donc voilà, quelques temps pour apprendre la basse, et puis quelques temps pour apprendre les morceaux. JB m'a appris les morceaux. Paulin m'a prêté sa basse et m'a appris à jouer de la basse. Yannick m'a appris à écarter les pieds de 90 cm pour jouer du hardcore. Donc voilà, pendant quelques mois, on a fait notre petite... Elle y arrive toujours pas. On a fait notre petite lessive interne comme ça pendant quelques mois. Et puis après, j'ai fait un crash test à la Gueule Noire. En première partie de Burning Heads quand même, c'était pas dégueu. Voilà, de Burning Heads, c'était un super moment. Et puis depuis, on joue ensemble. Eh ben écoutez... Histoire de vraiment présenter sa carte d'identité au contrôle policier, je pense qu'on va commencer par One Life, Two Chances, 1 minute 11 au compteur, on se retrouve tout de suite après. Alors le problème, vous allez tout de suite l'imaginer, que j'ai rencontré quand j'ai préparé cette émission, c'est qu'il va falloir trouver des trucs à dire parce que la musique, c'est pas assez long pour la remplir, cette émission. Une minute grand max au compteur, hardcore très rapide. Comment est-ce que les trois personnes qui ont formé la bassiste se sont rencontrées, ont créé ce groupe brutal et sans patience ? Sans patience, il en faut de la patience, rien qu'entre nous. Mais ça, c'est un autre ça, débat. C'est votre problème, oui. Ouais, les auditoristes ne sont pas concernés par cette question. Comment le trio de basse s'est rencontré ? Bah, tout simplement dans notre groupe précédent, qui était Volstead Act, où Yannick était déjà à la voix, JB était pas à la guitare mais à la batterie, et moi pas à la batterie mais à la basse. Et il y avait un autre copain, Jonas, qui était à la guitare. Et puis ce groupe s'est arrêté. Puis on était en coloc avec Yannick. Je ne sais plus si JB était encore à la maison aussi. Parce qu'il y a eu un moment où on a vécu un peu tous ensemble. Une fameuse coloc dans la vallée du Gier, un peu là. Exactement, non sur ouais. les hauteurs. Ouais. Bien cool. Super spot. RIP. Voilà, c'est fini. Mais toujours étant qu'on se faisait un peu chier avec JB parce qu'on n'avait plus, ce groupe-là. Moi j'ai envie de refaire un peu de batterie, JB il avait envie de se remettre derrière la guitare, puis on a commencé à faire du bruit tous les deux comme des cons, à faire des trucs rapides et courts. Et ça nous a bien fait marrer. Puis on a appelé Yannick au bout d'un moment en se disant ce serait marrant qu'il fasse le con avec nous. Et puis voilà. Et il vient d'où votre punk à la base? C'est-à-dire? Bah je sais pas, tu trouves ta manière de répondre à cette question. Je vais quand même pas répéter. Non, je veux dire finalement. Qu'est-ce qui... non, ok. Qu'est-ce qui... je suis content d'être venu. Qu'est-ce qui... Mais ouais, je vous avais dit, ça va être super. Qu'est-ce qui vous a rassemblé aussi autour de cette énergie? Comment vous avez construit un petit peu votre chemin ensemble en écoutant quoi et tout ça, sans parler forcément d'influence. Mais qu'est-ce qui... Enfin, oui, d'ailleurs, vous pouvez aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre musique au final qui vous rassemble? Pas mal de convictions, je pense déjà. En premier lieu, parce que musicalement, même si on aime bien tous et toutes la guitare saturée et bien distordue, on est quand même, on n'écoute pas forcément les mêmes groupes, les mêmes genres, quoi. Et on se rejoint tous les quatre ici, là, à cet endroit-là, pour en créer un nouveau. Un nouveau, ouais. Je sais pas. Ouais, toi, quand tu fais ça, c'est ça, tu. Ouais, c'est le chanteur, il y a de la voix. Hein. Mais ouais, voilà, et puis voilà, moi c'est mon défouloir, c'est là où je passe toute ma frustration que je peux accumuler dans le reste de la vie. Et elle vient d'où ta frustration dans le reste de la vie? Pas mal de... C'est 50 balles à la fin. Ouais, c'est... ouais, c'est ouais. Pas mal de ce que je vois, de ce qui m'entoure directement ou plus indirectement, mais le contexte dans lequel on vit, en fait, tout simplement, c'est... Ça me gave, moi. Ah ouais, ça va être 100 balles même, du coup. Non, mais je vais laisser la parole un peu aux copains. Bah, ouais. C'est un petit peu la base du punk et du hardcore. De toute façon, c'est aussi une réaction plutôt saine à toute la violence qu'on prend dans la gueule au travail et dans la société de consommation dans laquelle on est bien obligé d'évoluer. Donc, au bout d'un moment, il a raison, Paulin. Si on ne trouve pas un moyen d'expulser un peu toute cette colère-là... On peut faire des choses pas bien, là on essaye de le transformer en création et je pense que sur la base du groupe, la création du groupe que tu évoquais tout à l'heure, il y a aussi ce besoin, pourquoi on joue si vite et si fort, c'est aussi pour exprimer un peu ce besoin de faire de la musique vite, fort, maintenant, tout de suite, dans l'urgence, même si c'est pas très bien fait, même si c'est un peu bricolé, même si c'est parfois un peu improvisé presque, mais qu'au moins on le fait et après, ça va mieux. Il y a un élément que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Je déteste interviewer les Icos. Et je déteste poser toujours les mêmes questions que tout le monde pose aux Icos. Et notamment, il y en a une que vraiment je déteste. C'est l'heure. c'est d'où vient le nom du groupe? Et je ne veux pas que vous répondiez à cette question que je ne pose pas. Par contre, je voulais vous proposer un petit morceau de Blind Test parce que moi, votre groupe m'a évoqué tout de suite un truc. Ok, mais c'est 10 years after. Je ne sais pas, je sais pas si vous le partagez. Donc, je vous propose un mini Blind Test tout de suite. Many of us live with companion animals such as dogs, cats and rabbits. We share our homes with them, consider them members of the family. And we grieve when they die. Yet we kill and eat other animals that, if you really think about it, are no different from the ones we love. This is known as speciesism, a prejudice against members of different species. Most people don't question their habit of eating animals, as they've been brought up to believe it's normal, normal behavior. But causing suffering should never be considered. C'est un documentaire normal. Sur les vegans. According to the United Nations Food and Agriculture Organization, humans kill approximately 56 billion animals for food each year, and this doesn't include fish. What's in your pages to unfreeze? une basse. Auditoris, vous qui ne voyez pas les têtes un petit peu sceptiques que j'ai en face de moi. Alors, visiblement, c'est super bien. Ça vient pas de là, en tout cas. Ça parle de la libération animale, donc c'est peut-être pour ça qu'on connaît pas. Mais je connais pas du tout, non. Eh bien, c'est un groupe de Dijon, très proche de la galaxie. Ah, c'est 20 minutes de chaos. De Maloka. Et voilà, c'est 20 minutes de chaos. Et du coup, moi, dès la première fois que j'ai vu 10 Minutes Later sur un concert, j'ai pensé à ça. À l'assumer, le concert court, on joue 10 minutes, on joue 20 minutes et on vous emmerde. Je me disais peut-être que c'était ce truc-là, mais du coup ça me donne envie quand même de faire un parallèle et de vous demander de parler de ce moment en concert. Vous jouez plus de 10 minutes maintenant quand même. C'est entre 20 Il a fallu 25. S'y mettre, ouais. Ouais, c'est ça. Sinon les défraiements vont au prorata, non ? C'est ça. C'est vrai que ça fait un peu chier de faire beaucoup de kilomètres pour jouer 10 minutes. Ouais, ça fait un peu chier tout le monde en fait au final. Mais c'est du coup, on avait que 10 morceaux aussi au début. Du coup, 10 minutes quoi. Moi j'aimais bien. Faire chier tout le monde. Hein. Alors, ce premier album après les deux EP, donc One Life, Two Chances, peut-être venir un petit peu sur un enregistrement So Steph, comme on va l'évoquer à plusieurs niveaux dans cette émission, enregistré à Sauf Imprévu, en dessous de la gueule noire, avec Massacre, en 3 jours, en 2022, sorti en 2023. Bon, bah, si vous mettez 3 jours sur votre site et qu'après vous dites 2 jours. On a mis ça sur le site ? Mais ouais, mais il n'y a pas de bassiste non plus. Il faut vraiment faire des updates. Et du coup, une coprod avec 4 labels, dont Maloka. C'est pour ça aussi que je faisais un peu le lien. Est-ce que vous pouvez nous parler de Massacre ? Donc on parle assez peu quand même, alors que quand même, il aide à produire pas mal de choses. Et puis de comment c'est sorti ce disque ? Alors moi, je voudrais revenir sur le nom du groupe. Parce que moi, j'adore poser cette question au groupe que j'interview. Mais en ce qui nous concerne, bon, bah voilà, c'est assez simple. Hein. C'était l'idée de jouer 10 minutes. Voilà. Et autre chose, c'est qu'en fait, tu parles de EP et de LP, mais les trois albums durent à peu près la même longueur, en fait, au final. C'est vous qui mettez ça sur votre site. En fait, il y a un moment où c'est pénible. Non, à mon avis, c'est un site de fans c'est que t'as vu. C'est un peu facile de me tacler alors qu'en fait, vous savez pas à parler mon avis, de vous-même. C'est, ouais, ça, je pense que c'est la boîte de prod qui a mal fait son taf. Ouais, je pense aussi. BMG, je sais plus ce que c'était. Quoi. Et en fait, voilà, y a, tous les albums durent 10 minutes. Les premiers sont en 45 et le dernier en 33, une face. Mais au final, ça revient au même sur la durée de l'album. Alors, en ce qui concerne toujours le système numérique quand même. Tout à fait, c'est une obsession. En fait, tout est très très mathématique, ça se voit pas parce que en tant que simple auditeur, peut-être c'est assez inaccessible, mais tout est très très très très, très calculé. Il faut savoir compter jusqu'à 4 et puis c'est bon, tu comprends quoi. Après, pour parler de Massacre, peut-être que toi, Paulin, tu pourrais en dire, tu le connais mieux, non ? Eh ben mieux, je le connais pas super bien, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je croise depuis un bon moment maintenant. Mais du coup, on est venu à Massacre parce qu'en fait, on avait envie d'enregistrer ça à synthé et qu'on a écouté plusieurs disques qu'il avait pu enregistrer, notamment avec moi, j'aime beaucoup d'un groupe qui n'existe plus, de Solid Sleep Vendange Extrême. Et puis cool d'enregistrer avec un copain quand même quoi, à la maison, 100% confort. Voilà, enfin, tout simplement. Il y a un truc qui, moi, m'a. Et pourtant, je le savais, mais qui m'a rechoqué un petit peu, du coup, de fait de 4 labels en coprod. Et finalement, un truc qui est quand même un peu surprenant, vu la place du punk hardcore à Saint-Etienne, pas de label stéphanois. C'est vrai. Il y en a. Ouais, bah, quel label aurait-tu justement, à part Kick Rock et Transophobia. Justement, c'est un peu étonnant. C'est vrai que ça fait quand même maintenant un petit moment où il n'y a plus vraiment moyen de produire des disques Steph par un label Steph. Quoi. Alors, on dit des labels, mais en fait, c'est des gens qui sont derrière tout ça. C'est des gens qui sont tout seuls. Donc, ils ne peuvent pas sortir et mettre de la thune dans un milliard de projets. Et c'est des gens qui sont très installés, qui ont un réseau important et qui sortent pour en avoir discuté avec eux. Hein, Buffa et Lazai, pour ne pas les citer. Et voilà, ils ont des projets en cours avec des groupes qu'ils apprécient et tout. Et c'est vrai que... on n'a même pas abordé la question avec eux, en fait, au final. Parce que... On a tapé à quelques portes de, enfin les labels qui sont sur l'album, qui ont mis un peu la main au portefeuille pour nous aider. C'est des gens qu'on connaît, donc ça reste du réseau. Mais on sait très bien que les deux labels Stéphano en question, après il y en a peut-être d'autres qu'on connaît pas, hein, mais c'était pas le bon moment, voilà, c'est tout. Comment vous l'avez construit votre réseau punk en France du coup? En vrai, j'ai des bonnes questions, hein. Vous avez l'air sceptique. Alors, non, mais en jouant, en fait. En jouant, ouais, on n'a pas un réseau de ouf non plus en fait. Parce que nous-mêmes, on n'organise pas énormément, on n'est pas très très impliqué dans la scène, hein. On reste quand même assez en retrait par rapport à d'autres personnes qui vraiment y passent un temps et une énergie dingue. Nous, ça reste un peu du loisir. Après, ben voilà, maintenant il y a les réseaux, il y a les internets. Donc voilà, comme ça, en se croisant sur la route, en jouant ensemble, et puis ça match plus ou moins bien, et puis des fois ça match bien, donc on garde contact. Il y a un truc justement qui sous-tend un petit peu tout ce que vous dites et qui est, je trouve, important dans le DIY, même si quand on connaît, ça a l'air d'être un peu anecdotique, mais au final c'est toujours important de le rappeler, comment faire de la musique. Le DIY, c'est aussi en général bosser à côté, le boulot et la zik, là vous parlez justement de gens en fait qui font d'autres trucs à côté, dont c'est pas l'activité principale, comme vous, si j'ai bien compris, puisque il était impossible de faire cette émission à midi dans mes horaires de travail, et que du coup je suis obligé de boire des bières à 19h avec des gens sceptiques. La majorité des gens que vous rencontrez finalement dans cette scène, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et comment est-ce que justement il y a une place aussi à ce que vous vivez dans vos journées pour bouffer et qui se ressent aussi dans ce que vous jouez, j'imagine. Eh bien, merci Loïc de poser des questions aussi pertinentes et inhabituelles. Je pense que Paulin a soulevé un point très très juste dans sa première réponse quand il a dit qu'en fait on se retrouve pas tellement sur nos influences musicales, mais surtout en fait sur notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses et de faire de la musique. C'est un groupe passion, quoi. Donc on le fait quand on peut, si on annule la répète parce qu'il y a réunion, si on annule la répète parce qu'il faut garder les gosses, et ben on annule la répète, c'est pas grave. Mais grosso modo, ouais, on essaie de se garder toujours une place pour répéter et pour faire les concerts ensemble dans ce réseau-là qui est constitué de gens qui vivent un peu les mêmes choses, quoi. C'est un peu comme les gars qui font du foot, les gars et les filles qui font du foot le lundi soir en hiver sur des terrains en gore à la Ricamari et qui rentrent après, tu vois. C'est le loisir, en fait. Pas d'ambition. Pas d'ambition, et en même temps, à la différence du groupe de potes dans le garage qui joue le 21 juin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut être différent, mais peut-être vous m'arrêterez, ou me contredirez, avec grand plaisir. Il y a aussi un engagement qui est ancré, et que, à mon avis, vous partagez dans un système de valeurs, non ? Politique, et qui fait que les gens... T'as écouté ce qu'on a dit tout à l'heure ? Non, parce que là, comme vous en parlez, on dirait le groupe de reprise de Ten Years After. Non, plutôt crevé. Ouais, bah on adore ça. Ça fait des années qu'on fait ça. À titre personnel, actuellement, j'aurais du mal à imaginer ma vie sans ça, quoi. Ouais, clairement. Moi aussi. Ok. Et ben, puisque vous êtes pénible, pour faire chier, je passe un autre morceau de 10 minutes later. Est-ce qu'il y en a un que vous avez spécialement envie du dernier album de partager avec les auditeurs? Et là, c'est le moment où vous vous embrouillez normalement, potentiellement. Moi, JLB. Allez, va pour JLB. Ouais. Un bon choix. Ah ouais, tu vois? À l'unanimité. Mauvaise langue, Loïc. Ah, je suis dégoûté. Tu nous auras pas. This party's over in 10 minutes. We'll be right back. fléau d'un groupe comme ça, c'est qu'on peut pas aller faire pipi quand on lance un disque si on en a envie. Et à ce niveau-là, mettre au moins trois morceaux. Que vous... Ouais, c'est ça. Trois morceaux et du coup après voilà. JLB, donc c'est le moment un petit peu peut-être de présenter le contenu de ce disque qui est un peu un concept album d'une certaine manière. C'est vrai que c'est surprenant de voir toutes ces dates dans les titres. Au début, moi, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est des reprises? Je comprends pas quel est le sujet. Et peut-être parler un petit peu des mots qu'on comprend pas toujours forcément très facilement dans le hardcore. Il faut bien le reconnaître. C'est pour toi, Yann. C'est une question, ça? Non. Ah, ok. Il faut que je dise quoi, alors? Non, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a, du coup, derrière ce sens, ces périodes que tu décris dans ta life, etc.? Eh ben, là, surtout sur ce troisième album, là, c'est vraiment, en fait, je me suis dit, je vais décrire ce qui m'est arrivé dans la vie. Plutôt que, c'est vrai, sur les deux premiers, on parle plutôt bah, de choses et d'autres sur chaque chanson. Là, j'ai voulu vraiment faire un album thème sur un peu ce qui s'était passé dans ma vie. Parce qu'il y a eu un peu deux périodes charnières dans ma vie. C'est pour ça « One life, two chances ». Parce que j'avais eu un grave accident dans la vie et qui m'a handicapé. Et je voulais aussi montrer l'avant et l'après. Donc chaque date, période de date sur l'album, en fait... raconte un peu une période de ma vie, que ce soit le travail, l'accident, la galère de l'handicap, que ce soit aussi le groupe Juan Luis Bastard qu'on avait fondé en tout premier en 2009 ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est pour un peu englober ma vie d'adulte. Je vais pas remonter jusqu'à ma vie d'enfant, mais... Je me projette un petit peu comme ça, mais ça doit être un peu une sacrée période et peut-être un peu étrange de... d'écrire comme une synthèse ou une auto-bio, alors que t'as pas 70 piges non plus. C'est pas faux, ouais. Mais il m'est arrivé quand même plein de choses dans la vie. Mais je voilà. Dis pas ça pour ça, mais plus l'ambiance dans laquelle ça met, elle doit être particulière, non? C'est pas évident, ouais. Je vais pas te mentir, ça fait un peu mégalo. Sans parler de ça, même, ouais, retour sur soi, oui, voilà, ouais. Mais on voit de manière un peu plombée en général. Après, je pense qu'il faut le voir d'un côté extérieur aussi, où tu racontes, voilà, c'est une période. Je pense, voilà, j'ai fait 10 ans dans une boîte, j'ai galéré, ça m'a saoulé. C'est facile aussi à raconter, t'as eu un accident, tu t'es cassé tous les os, bon bah c'est assez facile à raconter aussi. Ça parle à d'autres aussi quoi. Ça parle à d'autres aussi, parce que bon à l'hôpital j'en ai croisé d'autres qui étaient bien pires que moi, et tu comprends un peu aussi ce qui se passe dans les hôpitaux quand nous on vit notre petite vie normale. Voilà, c'est... Et puis c'est vrai que ça a changé un peu des thèmes habituels punk, où Macron c'est un connard et Le Pen on l'encule quoi. Et les autres, du coup, de jouer quelque chose qui est porté par une histoire perso, enfin, peut-être vous écoutez pas les textes, hein, ceci dit, j'imagine, en tout cas, la personne à la batterie, c'est sûr, mais... mais je retiens même pas le nom si des morceaux, dire. De toute façon. Les autres, les musiciens et musiciennes qui, des fois, font attention au moins au refrain, porter une parole individuelle pour la rendre collective, ça fait quoi? Eh ben, détrompe-toi, on s'intéresse énormément au texte. Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Je pense que sinon, j'écouterais pas ce genre de musique. Et justement, on a plutôt encouragé Yannick dans ce délire-là, parce que pour moi, c'est bien plus pertinent de dire « j'ai passé 10 ans dans une boîte de merde, je me suis défoncé la santé ou j'ai galéré », que de dire « le travail, c'est de la merde ». Pour moi, c'est plus intéressant de l'exprimer à travers ton expérience vécue, quoi. De partir de soi pour réussir à ancrer un peu le truc. Et puis surtout qu'ils me connaissaient à cette époque, donc ils l'ont un peu vécu aussi. Et... C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, ils peuvent aussi témoigner de ça et ils le comprennent. Carrément. Et justement, il y a toujours un peu un truc dans le punk. C'est un gros mot presque, engagement, mais on est engagé de manière, plein de manières différentes dans la vie, etc. Là, j'entends quand même des engagements qui sont politiques, sans doute à votre manière. Est-ce que vous sauriez dire, j'ai que des questions de merde, hein, relou, comment il est politique pour vous, justement? Là, vous commencez à dire un petit peu un truc, j'aurais envie de vous tirer un petit peu la ficelle pour que vous développiez. Alors, je pense pas qu'on soit un groupe politique, on n'est pas des militants dans nos vies perso. aucun d'entre nous. Enfin, bah, je crois. Hein. Après. Je t'ai connu dans une émission militante sur Radio Dio quand même. Oui, c'est vrai, et que je ne fais plus depuis 3 ans, donc voilà. Oui, mais tout le monde a le droit de prendre la retraite. La retraite à 35 ans, c'est une légitimité. Hein. Voilà, on a des convictions, on n'est pas toujours d'accord comme sur les groupes de musique qu'il faut qu'on écoute. Mais qu'il faut qu'on écoute. Qu'il faut qu'on écoute quand on est ensemble et qu'on doit mettre de la musique, pardon. Comme ouais, Solid Sleep, par exemple. Voilà. Mais. Bah, non, mais après, on en discute et tout. On se rejoint quand même sur notre vision de la société, je dirais. Mais ça s'arrête un peu là, quoi. Après, ça, c'est une musique et c'est un style de musique qu'on écoute depuis très longtemps et où c'est un sujet forcément prégnant et on se voit pas trop chanter des chansons d'amour. Enfin, c'est très intéressant, ça peut être super, mais je vois pas trop l'intérêt de faire cette musique si c'est pour faire ça. Après, voilà, on joue dans des milieux aussi qui sont politisés, qui sont militants, et ça déteint forcément sur nous et sur notre musique, quoi. Et puis, ce qui peut être politique aussi, c'est peut-être notre manière de faire les choses, comme plein d'autres groupes aussi, mais... Bah juste de rien chercher en faisant ce qu'on fait, quoi. C'est une certaine forme d'engagement, au final. Tu veux dire quoi par rien chercher? Bah, pas forcément de reconnaissance, pas de thunes, pas, enfin, tu vois, pas avoir de but autre que celui de faire de la musique. Oui, mais du coup, vous y cherchez quelque chose, quand même. Tu saurais dire quoi ou... Bah, le plaisir de jouer et de faire de la scène, quoi. Parce que c'est vrai que dans le milieu hardcore punk DIY, il y a effectivement un ancrage politique qui fait... office de terreau commun un petit peu, que tu joues en squat ou dans des assos ou dans des bars, il y a quand même souvent des concerts de soutien. Je pense que vous en avez fait une petite poignée, j'imagine, quand même. C'est quand même le gros de la carrière. Et un terreau avec lequel vous vous retrouvez avec les gens qui organisent aussi, par exemple. Ouais, carrément. Même dans un RAD qui est quand même un endroit marchand, par exemple. Ouais. En fait, c'est surtout frappant quand on joue ailleurs. Et quand on joue dans des lieux qui sont totalement étrangers ou avec des groupes qui sont totalement étrangers à ces délires-là, on se dit « Ah ouais, en fait, on est bien dans notre petit milieu DIY de squat et de bar militant, quoi. » Quand on joue ailleurs, c'est pas pareil. Quel ailleurs ? Je sens que t'as un truc en tête et que tu veux pas poucave. Genre dans un kebab dans l'Ain avec un groupe de reprises. Ouais. C'était une expérience marrante, hein, mais ouais, tu te dis, ouais, les c'est pas là où... aussi, les salles des fêtes, c'est pas mal. Les salles des fêtes, c'est marrant d'apporter le hardcore punk dans ces lieux-là, mais... Avec les rubans de mariage au plafond, oui. Ça, on n'a jamais eu les rubans de mariage. Si. Bon. Si, à un concert, il y avait les rubans de mariage au plafond, encore. T'en rappelles plus, Paulin? Ah, je savais bien que vous allez vous embrouiller. Sinon, on fait les bar mitzvahs aussi. Écoute, on va éviter de parler de judaïté et de Palestine le jour de la Nakba et de cet enregistrement. Et surtout que, en fait, finalement, on va arriver un petit peu au climax de l'émission, puisque vous avez proposé, j'ai trouvé ça très frais et très très audacieux de votre part et hyper généreux de tenter une expérience, vu que bon, en radio on a l'habitude, on invite un groupe, on fait un petit live, bon, vous c'est pas si facile, ça fait du bruit, le studio est petit, se dire bah, vous m'avez dit direct comme ça, comme une seule personne, on a qu'à, ça sent le mytho là. On a qu'à faire, il y avait une seule personne, une version a cappella, ça serait quand même assez original et novateur. Et du coup, je sais pas si vous êtes mis d'accord sur un morceau, du coup. On n'a qu'à faire chacun un morceau. Si vous voulez, moi je bouge ma souris et je vous dis quel morceau. Et puis, ouais. Est-ce qu'en bougeant ta souris, tu pourrais aussi choisir un morceau de 10 minutes de n'importe quel autre groupe afin que on puisse répéter pendant ce temps? Non, l'idée c'est de faire Never Stand Down tout de suite, maintenant. C'est quoi Never Stand Down? Non, en vrai c'est chaud. Allez, bon alors. C'est ça? En vrai, tu veux pas nous laisser au moins le temps non, de la mais réflexion? Il fallait répéter avant, je vous en ai parlé avant. Ouais, moi je le suis en arrivant. Tu veux faire lequel? Parce que du coup, c'est finalement toi qui connais moins. C'est JLB, on va faire JLB. Ouais, JLB, on l'a déjà. C'est le seul qui est pas ici. On l'a entendu. On s'en souviendra. Puis on la joue après demain. Alors attention, exclusivité mondiale. Oubliez Rihanna. Oubliez tout. Ok, laissez-vous, faut être focus, laissez-vous là. Il nous manque 3 bières, je pense, chacun, au moins, pour pouvoir vous la faire. Bercer auditeuriste, exclu mondial. Allez. Everything started with a phone call at home. But it turned into a time standing about it. I took my mom to a decent kiss house. This day one week's bastard was born. Drink me over friends, then loudly and badly describe this shadow world and former hatred. One week's bastard. Oh le salaud. Wouh! Quel public! Eh hey, putain, c'était trop bien! Eh mais voilà, c'est ça votre avenir! Surface tangible à l'instant sur le 89.5 de Radio Dio. Dans Plus fort, j'entends rien. Et pourquoi surface tangible, me direz-vous, alors que cette émission était jusque-ci dédiée au très sympathique 10 Minutes Later? Eh bien, parce que nous vivons une bascule temporelle. Et elle ne sera pas trop prise de tête en mode SF un peu compliqué, mais simplement, on se projette maintenant au début du mois de juillet. Imaginez, il ne pleut plus. Les gens ont retrouvé le moral. On a arrêté de mettre des doudounes. Et on a chaud, on est bien. Et il y a en plus le Synthé Punk Fest les 5 et 6 juillet avec à l'affiche 10 Minutes Later, Erratum, Strega, Pervers et Truand, Shoot the Dogs, ODC, Surface Tangible, Painful Places et Zero Gain et Crossfire. Et en plus, tout ça à prix libre. Alors, ce qui est cocasse, toujours en radio, c'est ce que vous ne voyez pas. Et le moment où la personne du groupe qui est aussi dans l'organisation de ce festival est aux toilettes, tout simplement. Je tiens à poucave un petit peu. Mais c'était aussi l'occasion, je trouve, vu l'organisation de ces concerts-là, qui sont vraiment la famille, de parler du punk à Saint-Étienne. tout simplement. J'ai commencé par Surface Tangible parce que c'est un petit peu le groupe qui joue beaucoup en ce moment, qui fait bien l'actu par ici, et j'avais envie de vous tendre la perche et le micro pour parler un petit peu ce projet en concert, etc. Raconter un petit peu ce petit canevas de la famille Steph. Donc pour parler du Synthé Punk Fest. Ah, t'as suivi toi? Ouais. L'idée est partie d'un constat qu'on a fait avec Rod, le batteur de ODC, que à Synthé, il y avait une scène punk très importante, très dynamique par rapport à la taille de la ville et surtout très soudée en fait, où tout le monde se côtoie, se connaît plus ou moins, il n'y a pas trop d'inimitié entre les groupes, entre les styles, etc. Donc on s'est dit que ce serait cool de réunir tout ce monde-là. Donc mon camarade Rod, qui n'est pas là ce soir malheureusement, qui est au travail lui aussi, et hein, oui. Lui voyait plus les choses en grand, mais au final on s'est quand même mis d'accord sur deux soirs à la Gueule Noire pour faire un truc avec tous les groupes qu'on connaît bien. C'est un petit peu réducteur du coup parce qu'il y a des gens, il y a certains groupes qui seront pas programmés, c'est malheureux, mais peut-être qu'en cas de succès, l'expérience sera renouvelée. En même temps, vous avez mis dièse 1. On a mis dièse 1. Déjà, vous saviez qu'il y allait avoir un 2. Et voilà. Ouais, l'épisodage, on dirait une série Netflix. Mais c'est le but. Encore les chiffres. C'est le but. Ouais. Tu sais pas, mais des plateformes sont sur le coup. Hein, parce que la scène punk à Synthé intéresse beaucoup et très attire les curiosités. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je voulais dire que je sais plus. Je sais plus, si, voilà, qu'il faut pas trop en parler du Synthé Punk Fest parce qu'on a peur qu'il y ait trop de monde en fait au final. Donc ce serait mieux si on parlait d'autre chose. Bah, en même temps, c'est curieux parce que du coup, tu m'as quand même pris la tête à chaque fois qu'on se croise dans le quartier et on habite pas loin. Ouais. En disant non, mais quand est-ce qu'on fait une émission là? Sur 10 minutes later. Ça arrive. Parce que ça, personne n'en parle. Machin, mais... non, bah, ouais, en même temps, quand on vous pose des questions, vous voulez pas y répondre. Et quand on vous dit des trucs, vous comprenez pas. Putain, enfin, un concert a cappella de ouf! Non mais parler et écouter, c'est vraiment pas du tout notre fond de commerce quoi, à la rigueur. Non mais l'idée, moi, que j'avais, pardon, de revenons, ça, oui, c'était de créer le buzz comme Netflix. Mais surtout d'écouter justement un petit peu les gens avec qui vous partagez régulièrement l'affiche. Et je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre de la Smala Stéphanois qui se retrouve un peu régulièrement. Et voir aussi qu'est-ce que vous sentez partager aussi un peu avec ces trucs-là, raconter des histoires, hein, comme si j'étais un enfant que vous essayez d'endormir parce que je suis un petit peu nerveux. Oh. Ouais, mais clairement, il y a ce sentiment-là de Smala Stéphanois. C'est bien déjà pris dans le bouquin et les vinyles Furania. Après, ce sont des gens qui sont d'une génération plus ancienne et du coup qui n'ont pas forcément mis en avant les groupes. Ben, de toute façon, Furania s'arrête à 2020, mais qui n'ont pas forcément mis en avant les groupes plus récents. Et c'est un peu la continuité, la suite logique de ce travail-là qu'on essaie, enfin, toute humilité, hein, qu'on essaye de faire. Vers le 2020-2030, tu veux dire. Ouais, voilà, par exemple, vinyle. Avec tous ces groupes, ouais, Surface Tangible jusqu'à Shoot the Dogs. Donc il y a quasiment 40 ans d'écart en fait entre les musiciens de Surface Tangible et ceux de Shoot the Dogs. Et au final, nous, de nos 40 ans, eh ben, on est un peu au milieu, quoi. Et on côtoie tous ces gens, on joue avec et on se marre avec, on boit des bières avec, on les croise ailleurs qu'en concert, hein. On les croise aussi à l'entrepôt, par exemple, ou en manif, dans les bars. En manif, ouais. Donc voilà, c'est l'occasion de faire une bonne fiesta en mettant encore une fois en avant cet aspect DIY qui est partagé par tous les groupes à l'affiche, quoi. Alors c'est quand même vraiment beau la vie parfois, puisque du coup j'avais calé Shoot the Dogs et qui est le seul groupe que j'ai pu extraire de la compile Furania. Et c'est vrai que j'avais envie de vous demander un petit peu cette histoire stéphanoise du punk. J'imagine que elle vous a touché à un endroit, peut-être dans votre jeunesse, peut-être plus tard, je ne sais pas exactement d'où vous venez, mais toute cette histoire, les concerts qui ont pu accompagner votre adolescence ou plus tard, si vous n'êtes pas de là, il y a quelque chose comme ça où vous sentez participer à un truc, je ne sais pas si c'est une continuité, peut-être je prends encore trop la tête, mais comment vous êtes là-dedans un peu? Alors moi, j'ai un bon souvenir. Je suis arrivé à Saint-Thé en 2003-2004. Et je crois que c'était avec toi, Paulin, quand on était à l'internat à Bonneuf-en-Néron. Et je me souviens, je faisais le mur pour aller voir les concerts du punk party du Grand Mic main dans la main. Où il y avait une bonne vingtaine de groupes bien punk cradasse et c'était bien cool. Et j'ai aimé Saint-Thé, je suis resté. Et c'est un truc comme ça qui t'a fait rester, ouais. Ouais, souvent. Et puis l'ambiance à Saint-Thé aussi, ouais. Parce que voilà, je viens de Vienne, on va dire que c'est pas la même populace. J'y suis d'ailleurs retourné ce week-end, j'ai passé un très mauvais moment. Ouais. On m'a refoulé d'un billard parce que j'étais en jogging. Alors ça, un jogging Saint-Etienne en plus. Alors, en même temps, je suis content voilà. Que tu sois pas arrivé en jogging aujourd'hui, parce que je sais pas comment j'aurais réagi. Je serais venu en short, si tu veux. Non, mais voilà, et en fait, Saint-Etienne, j'y suis resté parce que voilà, la scène, l'ambiance, les gens, parfait quoi. Tu les connais ni en noir ni en blanc et ils t'invitent chez tes parents à bouffer un couscous, mais c'est génial. Souvent il y a une histoire comme ça, j'avais eu Surface Tangible dans ce même studio qui était tout aussi sympathique que vous, hein, pas de compète. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs histoires de concerts à la Gueule Noire, de concerts de la France Pu, qui avaient quand même ancré un truc entre, et c'est là peut-être où je crois d'ailleurs ils s'étaient un peu rencontrés dans l'ensemble. Vous, il y a quelque chose de cet ordre ? Sur notre rencontre ? Ouais, ou la suite ou... Parce que bah, sur la rencontre, comme Yannick vient de le dire, à la base c'est à l'internat, puis JB et Marion se connaissent depuis très longtemps aussi, puis ça s'est recroisé un peu plus tard. Après, je t'aide pas trop. Non, c'est vrai. Mais au fond, j'avais une autre question, c'est pas grave, j'ai des ressources, hein, j'ai prévu des... Parce que j'ai l'habitude des groupes de punk qui, en fait, n'ont rien à dire. C'est que du coup, moi, il y a un truc qui m'a questionné, et je l'ai dit d'ailleurs à Furania, c'est aussi justement ce truc de faire briller 40 ans et pas vraiment traiter le présent, que je trouve des fois un petit peu dommage. Enfin, c'est très bien d'archiver, d'écrire notre histoire, de le graver sur des sillons, je trouve ça hyper, hyper important. Mais aussi, c'est vrai de se dire, ah bah, comme si les trucs qui se sont passés avant, ils étaient plus cool que maintenant, comme si le passé, il était plus fort que le présent. Et vous avez écouté cette compile, ça vous a fait quoi, je veux dire ? Tout n'est pas bon à prendre. Mais si, c'est super intéressant d'écouter ça, je trouve, parce que ça fait partie de l'histoire de la ville, en fait. Et l'histoire crée le présent, au final. C'est toi qui vas me devoir 50 balles. Après, il manque beaucoup de lieux, il manque beaucoup de gens, mais après, c'est vrai que ça devient un bouquin de 3000 pages, quoi. C'est ça aussi le truc, quoi. C'est centré aussi sur l'underground stéphanois, pas forcément sur le punk, quoi. Nous, on a aussi mettre le focus sur l'aspect musique à guitare qui dénonce. Eh ben écoute, on écoute Shoot the Dogs ? Avec plaisir. Shoot, shoot ! We'll be right back. c'est le moment où j'ouvre les micros pour. Et là, tu te fais tacler méchant. Mais vous c'est... avez le droit vraiment de me vanner fort. Mais quel amateurisme. Après, ça parle de nous, mais sérieux. C'était bien, shoot. Ouais, c'était bien. On se disait, c'était quand même plutôt pas mal pour les shoots de Dog. Ouais, le chanteur est meilleur que d'habitude, hein, je crois. Et le bassiste et le batteur. Ouais, carrément. Et voilà, alors c'est le moment de faire une dédicace aux vinyles transparents qui sont hyper chiants au niveau des sillons. C'était bien sûr The Sparks. Les aficionados, aficionadas auront forcément reconnu Riri au chant qui, effectivement, tranche un petit peu. Mais je me suis dit qu'on allait quand même pas couper. Ça aurait été dommage de couper un bon morceau. J'avais envie de revenir un petit peu. On va faire des écoutes un petit peu maintenant aussi, parce que c'est l'occasion de tirer des accolades un petit peu au Copen. Et puisque tu en parlais de ton compère d'organisation du Synthé Punk Fest, j'ai reçu il y a pas longtemps des morceaux exclus d'un futur Onde de Choc qui devrait sortir. Eh ouais, carrément. Qui sont rentrés dans l'épisodage, m'ont-ils dit. On va sortir un morceau par mois sur les réseaux. Bref, il y a des choses comme ça que je ne questionne pas. Et c'est la nouvelle génération, Loïc. Tu ne peux pas comprendre. Non, mais je suis trop vieux pour juger. C'est fini ce temps-là. J'ai appris. Accepté. Et un morceau qui s'appelle Terminé, et du coup ça me donnait envie aussi de parler du français. Vous avez fait le choix de l'anglais, mais du coup la manière dont vous écoutez vous aussi le punk dans la langue de PNL par exemple, pour ne pas les citer, ça change quoi pour vous le choix justement d'une langue? Alors là, on arrive facilement à se mettre d'accord sur beaucoup de choses, mais moi, c'est vraiment... j'aimerais vraiment qu'on chante en français parfois. Donc c'est Yannick qui est... Et moi, Paulin jamais qui... Et c'est Yannick et Paulin qui doivent justifier du choix. Ah non, de l'anglais. Moi, je me justifie rien du tout. Je chante pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, trouve un autre chanteur si tu veux chanter en français. Hein. Dans l'écriture, du coup. Voilà, on en est là du débat, quoi. Dans l'écriture et dans le chant, toi, il y a un truc qui te parle pas ou... Ah non, moi, j'ai toujours été... punk rock, hardcore, américain, moi le français c'est pas possible quoi. Peut-être le seul truc que j'ai aimé c'est Parabellum. Sinon, non, ça passe pas quoi. Et du coup, le français ça passe pas. Ouais, c'est un truc. Ah ouais, non, c'est quoi? C'est la transparence et, Non, c'est. Je sais pas, ça glisse pas, c'est pas beau. C'est... Pourtant, on dit souvent que le français c'est une jolie langue, ça, passe, ça glisse bien à l'oreille et tout, mais je sais pas moi, pas dans la mienne en tout cas. Et les autres, dans ce que vous écoutez, y a du punk en français? Ah oui. Ouais. Ça peut. Mais on en parlait déjà un peu de ça, de mettre la bassiste au chant. Ah, peut-être un jour. De toute façon, tu vas voir, maintenant que tu viens d'arriver, il faut que tu prennes le pouvoir. Et peut-être qu'un jour, si quelqu'un veut bien écrire un truc en français, moi je serais capable de le chanter, mais pour le coup, je suis incapable d'écrire en français. Et ouais, il y a un truc de la pudeur aussi, je me demande. Parce que c'est vrai que d'un coup, on est un peu plus à poil quand même en français. Il y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi une ambiance et des sonorités. Et, enfin, je pense que c'est un peu ouais, ça qui. C'est vraiment juste parce que je trouve ça. Alors, oui, beau. La pudeur, Yannick, c'est pas. Non. Non. C'est toi. Ça nous a posé des problèmes déjà. Oui. On veut pas tout savoir. On n'est pas chez Hanouna. Bon, on écoute Onde de Choc alors avec donc ce morceau tout frais qui s'appelle Terminé, tout nouvellement enregistré. Fin de mois souvent fauché. Et là c'est pas les Sparks. Il croule sous les dettes et il a 6 mois d'à payer pour le toit qui couvre sa tête. La pression des banquiers en stress 7 jours sur 7. La peur d'expulser que les huissiers le raquettent. Occuper sa ville, occuper sa ville. Une nuit il ouvre un squat. Ça sort un enfant dans un Vals. Il paiera du loyer. Pas le droit de vivre dignement à la rue, il est condamné. Onde de Choc à l'instant, donc, qui chantent en français car ils ont des choses à dire. Et là-dessus, ça commence. Mais des problèmes, lui. Tu lances des débats dans le petit studio, là. Mais en tout cas, bravo, copains, c'est trop bien. Et bientôt, du coup, cette émission est terminée. C'est la dernière ligne droite sympathique. J'étais hyper content d'être avec vous. Vous êtes assez agréable, passé 19h finalement. Et passé 22h, je t'explique même pas. Je vais peut-être m'arrêter. Surtout moi. Je vais peut-être m'arrêter avant. Du coup, il y avait quand même un petit truc. On a prévu un petit final quand même. Mine de rien, c'est extrêmement, extrêmement organisé tout ça. Il y avait un petit truc que je voulais partager, vu que vous disiez vous avez un peu autour de 40 piges, etc. Il y a eu un moment, il y a quelques années, où moi j'avais l'impression que... À Saint-Thé, tous les punks, il n'y avait plus de jeunes. Et il vient d'y avoir un renouveau. On a écouté Surface Tangible, Onde de Choc, etc. À un moment, moi, je me suis même dit, en fait, le punk, c'est une musique de yeuve, c'est fini. Faut réussir à passer à autre chose. Voilà. Et en fait, ça reprend. Moi, ça m'a un peu touché, quand même. Ouais, passif, grave. Même si maintenant, j'écoute plus tant de punk hardcore que ça. Mais quand même, au fond de moi... Le jeune rocker était ému. Vous, ça vous a fait un truc aussi ? Bah ouais. Carrément. Et puis surtout de voir la motivation qui fait partie de toute cette troupe là, ça fait trop plaisir. Ils sont engagés à droite à gauche dans plein de choses à la fois. Font de la musique. Enfin, ouais, ils me font halluciner en fait, parce qu'il y a une énergie que moi j'avais pas en fait. Au même moment de ma vie, et je trouve ça vraiment chouette. C'est beau. Voilà. C'est beau, bien, non, mais il n'y a rien à rajouter. Là, ouais, bah, franchement, j'attendais même pas de relance, je me suis dit, il n'y a rien à ajouter à ça, effectivement. On va passer donc à la dernière thématique de ce plus fort, j'entends rien, consacré aux 10 minutes plus tard, qui sont en présence. Et c'est le skate. Et ouais, puisqu'on a choisi donc de finir par Painful Places. Et la grande question en général dans un groupe de punk qui est qui c'est qui a skaté avant ? Et là, on est légitime ou pas ? C'est moi. C'est le chanteur. C'est toi qui est légitime. Ouais. C'est chaud ça. Ah bah 25 ans de bon et loyaux service. Impeccable. Donc toi, ouais, grosse quête ? Ah, grosse quête de mes 13 ans jusqu'à mes 38. Jusqu'à la dernière gamelle où j'ai dit oh je crois que ça y est. Ouais. Et avec cette culture des cassettes vidéo, de la musique hardcore, 411 BM, Lance Mountain, represent. Parce que du coup. Ah mais si vous voulez faire un autre a cappella en tout cas. Je le ferai tout seul celui-là. Attends 22h pour ça. Painful Places, donc forcément skateboard, etc. Ah bah bien sûr. Ça vous est déjà arrivé, vous, de jouer dans un contest de skate ? Partout ! Super souvenir, ça. On a joué au skatepark indoor de Grenoble, et avec Painful Places, non ? Ouais. Oui, on avait fait celui de Valence aussi. On avait fait celui de Valence avec, pendant que ça skatait. Ouais, pendant ça que ça skatait sur le gros quarter. Des gens qui passaient au-dessus de notre tête. Avec qui passaient au-dessus de notre tête et tout sur le coping, c'était magnifique. Voilà, à Bouin aussi avec Volsedat. À Bouin aussi avec où on avait fait sauter les plombs et on avait fait péter les plombs aux voisins. Ouais, les orgas de skate, c'est toujours. C'est ouf. Si tu veux du DIY, tu vois, un concert punk dans un contest de skate, là c'est DIY. Moi j'ai l'impression que ce que vous décrivez, ça ressemble aussi aux concerts de hip-hop dans les battles par exemple. Où à chaque fois, ça a l'air bien à l'arrache et du coup, ils mixent un peu comme ils peuvent, ils enchaînent, etc. Le lien punk et rap, il est quand même pas d'hier, j'avais envie quand même de vous faire parler de ça. J'ai failli passer Calavera au chant, on l'a pas passé. Punk, salut rap, à lui. Pourquoi que du punk dans ce festival d'ailleurs, et pourquoi pas les musiques d'à côté qui sont quand même vraiment les cousines. Ouais, il faut que tu justifies. Il faut que je me justifie. Ouais. C'est un choix clair, par contre, c'est clair qu'il n'y avait pas moyen. Je sais pas trop, je dirais que déjà il fallait caler tous les groupes de punk du coin, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas possible, donc on en a mis un maximum, mais il en manque quand même. Si en plus après il faut ouvrir à d'autres styles, non, là l'idée c'était vraiment de focaliser sur le punk pour justement montrer que c'est pas qu'une musique de yeuve, même si... Même s'il y a Shoot the Dogs. Même s'il y a un peu de ça quand même. Même s'il y a Shoot the Dogs. Mais ouais, non... Le côté éclectique, carrément, vas-y, on ouvre, on n'est pas contre et tout. Et effectivement, Romain est là pour en témoigner. tout ça, mais là c'était vraiment un focus punk, on se fait plaisir aussi quoi, on fait la musique qu'on aime et les groupes qu'on aime. Moi du hip hop clairement j'en écoute pas, donc voilà, parce ça que s'arrête là quoi. C'était là où, parce que finalement le skate souvent c'est là où il y a eu le gros pont, c'est que dans ces cassettes là il y avait autant de rap que de hardcore. Les faux. Beastie Boys c'était quand même le groupe qui rassemblait un petit peu tout le monde, et que et du coup je me suis dit c'est l'occasion quand on parle de skate, de parler de rap. J'imagine toi, t'en as écouté aussi à ce moment-là, non ? Eh bah pas forcément, tu vois. Ouais. Non, ouais, non, moi j'étais pas très rap, j'ai complètement sauté la période rap français, NTM, IAM, où j'étais vraiment punk skate. Putain, moi j'étais à fond, quoi. Ah, moi j'étais pas du tout, par contre j'ai bien eu ma petite période Busta Rhymes, Method Man, Redman. Un peu plus, ouais, un peu plus nerveux, quoi. Ouais, un petit peu plus hardcore américain, ouais, c'est... Mais en anglais, quoi, toujours, longtemps. Forcément. Voilà, ouais. voilà. Parce que bon, laisse pas traîner ton fils. Oh. Non, voilà. Et Painful Places, c'était l'occasion aussi d'annoncer un peu d'actu, puisque il faut quand même un peu faire un peu de com quand on est anticapitaliste et qu'on ne l'avoue pas. Exactement, donc toujours dans une soirée absolument pas éclectique du tout, on fait trois groupes de hardcore à la Gueule Noire le 1er juin, à savoir nous. Les vous appelez comment déjà ? Painful Places. Nous sommes 10 Minutes Later. All right. Painful Places. All right. Et Shinken de Grenoble, un super groupe de hardcore. Alors il y a Clark in the Cave effectivement sur l'affiche, mais ils ont annulé à peu près 10 minutes après qu'on ait imprimé les affiches. Ça c'est dégueulasse. Donc on sera trois groupes, ça reste prix libre, ça reste hardcore. 1er juin à la Gueule Noire. Très cher groupe, c'est le moment de se quitter. Oh non. Les larmes coulent le temps, sous mes cils. Les larmes coulent. T'as encore du pastis. Vous l'avez on déjà est à fini. Deux tiers de la bouteille. Il y en a plus beaucoup, ouais. On va claquer. Painful Places. Painful Places. Et puis on se fait dégâter. Ah bah ouais. Allez, avec dédicace au skate hardcore des années 80. Un grand merci à vous. Monte tes chaussettes. Pour parler. Ah ben je veux vous les montrer. En plus, c'est un cadeau de ma maman. Je vous en parlerai hors antenne. On se quitte donc sur Painful Places. Grosse dédicace à toute la scène punk stéphanoise et à toutes les autres scènes, car moi, je ne suis pas sectaire, au contraire de certaines personnes. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le 895 de Radio Duo, bien plus entendu. Plus fort, j'entends rien. Plus fort, j'entends rien. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. Bisous, Saint-Étienne. Ciao. Salut.